a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! It's there! It's there! He did it! He did it! Well, he did it! Pass play. Here's a shot! Henderson made a wild snap for it. Fell. Here's another shot! Right by the door! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, sortez vos skis, vos raquettes et vos skidous, il neige un matin et bienvenue à l'inconduite de partie. Bonjour messieurs, Fils Doucet qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. T'as rencontré la neige ce matin ou tu t'es juste levé tard? Ou t'es... Non, ben en fait, j'ai pas nécessairement seulement rencontré la neige plus que le pouce de verglas qu'il y avait... partout sur ma voiture, donc j'ai pris un bon 15 minutes supplémentaires. Déjà, on a coupé l'école dans les régions, dans la région de Montréal, je crois. Il me semble, en mon temps, oh boy, ça commence. En mon temps, on marchait là, à l'école. On marchait à une pomme, Manel, aussi. Non, mais... J'ai juste 26 ans, mais je trouve pas que c'est une grosse tempête. De toute façon, maintenant, ils sont obligés de les prendre, sinon ils les perdent à la fin de l'année. Fait qu'ils sont aussi bien les prendre tout de suite au cas où il n'y a plus de tempête de l'année. Puis ils font quoi si on en a une grosse hiver encore, là? Ah ben là. OK, c'est ça. Fait qu'on y va pour le pouce de neige, c'est tout, là. C'est ça. Parce que sur les routes, c'est pas... Mais non. On fait attention, puis tout va bien, là. C'est pas dramatique. C'est seulement la neige, là. Faut c'est pas... ça. Le trouble à ce moment-ci de l'année, c'est vraiment surprenant comment autant de monde peuvent oublier comment se conduire et comment parker et comment se stationner. Et c'est qu'aussi, beaucoup de gens ont encore le pneu d'été. Ouais, ben... Donc... Ben moi, j'étais content de voir... Imprudence incroyable. Moi, j'étais content hier de regarder mes pneus puis voir le mot « Four Seasons » dessus. J'ai fait comme « Ah, ben au moins, j'ai pas eu le temps d'échanger. » Encore là. C'est ça qui arrive quand tu vis dans ton auto puis dans deux villes différentes en même temps. Ouais. Hey, cette semaine à l'émission, ben écoutez, je suis sûr, monsieur, vous avez regardé la TV hier que c'était le Thanksgiving américain. Donc, football. Il y avait 3 matchs de la NFL hier sur les ondes télévisuelles américaines. Aujourd'hui, il y a du football collégial. Plus, ça va se continuer samedi dimanche. Bien sûr, JP va nous parler de ça tantôt. Hockey Junior, Pierre-Luc, Cataract jouait 2 parties la fin de semaine dernière. Ils sont en action aussi ce soir contre le Junior de Montréal. Ouais. Donc, tu vas nous causer de ça, Phil. Oui, il y avait des matchs de la Champions League cette semaine. J'ai vu que Panathinaikos. Malheureusement, le Panathinaikos qui est éliminé. Je vous en parle un peu plus longuement en deuxième portion d'émission. Et moi, ben écoutez, on y va tout de suite. Je commence immédiatement avec le sport universitaire chez les Patriotes de l'UQTR. Donc, les Pats étaient en action. On le sait, là, côté début de saison, c'est pas si pire, mais c'est pas si hot que ça. Alors, du côté des Patriotes, on semble se chercher un petit peu. On affrontait Windsor. On se rendait loin en Ontario, dans le fin fond de l'Ontario, pour 2 matchs contre Windsor. Problème pour se rendre là, problème d'autobus. Les gars sont arrivés à 2h du matin à l'hôtel là-bas. Pas génial comme situation, mais bon, gars, c'est le genre d'affaires qu'on est capable de passer dessus normalement. Donc, ça, c'était le jeudi soir. Le vendredi, on affronte les Lancers à Windsor pour le premier de 2 matchs. C'est une victoire de 5-4 de l'UQTR en prolongation. Les tirs 38-34 dans le match. Écoutez, les buts là, c'est pour vous donner une idée, c'est Donovan qui a fait le but gagnant en prolongation, une aide à Maxime Robichaud et Pierre-Luc Lessard. On peut aussi parler des autres marqueurs, Charland, Demers, Chicoan et Charland encore une fois alors qu'il ne restait que il restait moins de 6 minutes au match pour faire la marque, pour mettre la marque 4-4. Donc dans la victoire, Pierre-Luc Lessard encore 3 passes, Francis Charland 2 buts de son côté. C'était Jean-Christophe Blanchard qui était dans les buts du côté des Patriotes. Là, un match contre Windsor. Écoute, un match contre Windsor, ça va. Deuxième match, ben, on commence à reconnaître les faces un peu. Hein? 2 matchs en l'espace d'à peu près 16h, si on se dit qu'un était l'après-midi, puis celui de la veille était le soir. La deuxième match, pas mal plus robuste. On a eu droit, entre autres, du côté de Windsor, on a eu droit à Jonathan Sciaccia, qui a récolté une inconduite de partie, 2-10 minutes. Écoute, de son côté, Jonathan, qui s'est donné à cœur joie, 34 minutes de pénalité, ce qui est plus que tout ce qu'il avait déjà ramassé la saison dernière environ. Donc, c'est ça. Même aussi du côté des Patriotes, Pierre-Luc Lessard qui a eu une mise en échec pour derrière, par derrière et 10 minutes. On peut parler aussi de Lessard, mais écoutez, il y en a eu, d'autres gestes comme ça. Bref, on se reconnaît. C'était Vincent Lamontagne qui était dans les filets du côté des Patriotes. En passant, je vous l'ai pas dit encore, la marque, ça s'est terminé 3-2 en lancé de punition. 36-21 les tirs du côté de Windsor. Les marqueurs du côté des Patriotes, c'est Pierre-Luc Lessard et J.S. Breton. Donc Lessard, 4 points en 2 matchs pour lui durant la fin de semaine à Windsor. Donc grosse performance. On s'en va la prolongation n'a pas été assez pour séparer les deux équipes. On s'en va en lancer de punition. 7 tireurs, ça a pris 7 rondes de tireurs de chaque côté. Et c'est le co-capitaine Alexandre Demers qui est venu mettre le palais dans la lucarne. Et qui a donné la victoire aux Patriotes. Donc, ça a été un excellent duel de gardien, je crois. Ben oui, exactement. Du côté de son. Vraiment, là, Vincent Lamontagne, pour un gardien, écoute, qui a un rôle différent, c'est-à-dire rôle de deuxième gardien, entrer dans la mêlée, faire 34 arrêts sur 36 tirs, très performant. Et écoute, il s'est fait récompenser. Ça, c'était samedi. Le lundi, c'est les Ravens de Carlton qui étaient ici à Trois-Rivières. Qui allait affronter les Patriotes, c'était au Colisée de Trois-Rivières. Pas beaucoup de monde. Écoutez, ce qui est arrivé, ben on a fait toute la promotion pour ce match-là du côté de l'université, dans l'université plutôt, comme quoi le match était mardi. Malheureusement, le match a été changé de soir. Ce qui fait que je suis même pas sûr qu'il y avait 100 personnes dans les estrades. C'est pas très encourageant, là. Une salle vide, là, honnêtement, là. J'ai vu des réunions de chevaliers de colons plus animées que ça. Donc, Vincent Lamontagne obtenait son deuxième départ d'affilée, qui est quand même surprenant quand on se dit que Jean-Christophe Blanchard a gardé les filets pendant à peu près 95% de la saison l'an dernier. De son côté, ça s'est terminé par la marque de 5-3 du côté des Ravens de Carlton. On échappe un gros match, c'était de la deuxième place au classement qui était à l'enjeu. Et on n'a pas eu une grosse performance, encore une fois, du côté des Patriotes. Des choses qui marchent pas. Cette fois-ci, c'était le désavantage numérique. Le jeu à désavantage numérique. On a accordé 2 buts sur 3 opportunités pour Carlton. Les Patriotes ont accordé, donc on a laissé 2 buts du côté de Carlton. Les marqueurs, c'est J.S. Breton, Pierre-Luc Lessard et Guillaume Chicoine du côté des Patriotes. On peut parler d'Olivier Donovan aussi, qui récolte 3 passes dans ce match. Lui qui a été nommé la 2e étoile, c'est Joey Manley qui a la 3e et Brendan McLean du côté de Carlton qui a la 1e étoile. Donc, après ce match-là, écoutez, on va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte face à tout ça. C'est un Jacques Laporte extrêmement, extrêmement déçu qu'on a pu voir, avec qui je me suis entretenu après le match. Qui vraiment un Jacques Laporte pas très content qui faisait des dessins sur sa feuille, sur son bureau, en maudit, disons-le. Donc très en maudit. Je lui ai vraiment demandé qu'est-ce qu'il avait pensé de la performance de son équipe. Je pense pas qu'il peut s'approcher. Écoute, là, son rôle à lui, là, il est assez ingrat. Il arrive dans un moment où il serait peut-être attendu à ce que devant lui, on le supporte mieux. Et il nous en a fait gagner une samedi. Aujourd'hui, il ne l'a pas fait gagner, mais il ne l'a surtout pas fait perdre. Il y a des choses pires que ça qui sont passées devant lui, tu sais. C'est pas... je lui attribuerai pas la défaite parce que c'est... Il y a 2 points en banque, là. Les gars, ils ont enlevé une de samedi, puis ils ont pas remis. 2 fois de fil, Vincent, est-ce que c'est un message que tu envoies à J.C. Blanchard? On a besoin d'une performance stable de nos gardiens de but, c'est sûr. Puis on essaie d'y aller avec le mérite. Il a mérité parce qu'il a bien gaulé samedi. Il manque, à chaque match, il y a quelque chose qui manque, qui fait qu'on n'a pas de... On n'a pas tous ensemble. Des fois, c'est le power play qui marche. Des fois, c'est le power play qui marche plus. Après ça, hop, il y a toujours, tu sais, l'engrenage est pas. Il y a toujours un peu de sable dedans. Là, chaque fois, on a tout ce qu'il faut. On a tous les éléments. On a les bons éléments à la bonne place. Mais il faut qu'ils fonctionnent tout en même temps pour qu'on ait un résultat. Tu sais, on a une genre d'équipe qui sans travail intense, qu'on a besoin de toutes nos chances, qu'on peut profiter au maximum. On a besoin que chacun soit au maximum. Quand il embarque dans un match, ouais, puis tout fonctionne en même temps. Dès qu'il y a une partie de ça qui ne fonctionne pas, ça devient comme difficile parce qu'on n'est pas outstanding. On a tout ce qu'il faut pour gagner à condition que à chaque match, tout fonctionne à merveille. C'est la seule façon qu'on va réussir à être compétitif puis d'aller gagner. Donc, Jacques Laporte, pas très heureux, qui apporte un point. Écoutez, comment dire? Oui, il faut que tout marche, mais je commence à m'inquiéter un peu de voir que rendu presque à Noël, on n'a pas de performance. Parce qu'on le sait, les Patriots arrêtent leur match la fin de semaine prochaine. Ça va être la dernière fin de semaine de hockey. Oui, il faut que ça pousse tout du même sens, mais là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un peu le rôle de l'entraîneur en chef de faire que l'équipe pousse là-dessus et pousse dans le même sens. Est-ce que Jacques Laporte a perdu un peu le contrôle de ses troupes? Je ne sais pas si c'est les recrues. Je ne sais pas si qu'est-ce qui se passe. Si on semble, on dirait qu'il y en a beaucoup dans l'équipe qui n'ont peut-être pas la tête à ça présentement. Donc, écoutez, au niveau du classement, écoutez, l'an passé, les Patriotes, 3 défaites en temps régulier, 2 défaites en prolongation en 28 matchs. Ça, c'était l'an passé, donc 5 défaites. Cette année, ben écoutez, les Patriotes, 5 défaites déjà. Donc, on a égalé notre nombre de défaites, mais on a surpassé, si on regarde les défaites en temps régulier, on est 9-5 du côté des Pats. On est en 4e position au niveau du classement, devancé par Concordia. La honte. La honte. Il reste bien des matchs encore. Ouais, mais tu comprends, là? Oui, c'est pas un début de saison incroyable. C'est comme dire à la hauteur des attentes, sauf qu'il n'y a rien de fini. Là. Présentement, c'est un peu comme dire oui, mon bateau prend l'eau, mais hey, il reste encore gros de la place dans la barque pour mettre de l'eau, là. Ben, tu sais, ça va prendre de quoi, là? Ça va prendre du masking tape, du tape gris pour venir réparer ça, dans le fond, une réparation de fortune, parce que. Peut-être qu'on a le temps de faire une grosse suture du côté de l'équipe, mais ça va prendre quelque chose, ça va prendre un traitement à choc. Là. On peut revenir en force l'année prochaine? Ben, il faut voir. À partir de janvier, écoute, il y a la moitié de la saison qui est déjà passée. Mm-hmm. OK, donc c'est à prendre en considération. C'est à prendre en considération aussi quand on va arriver en série, qu'on n'affronte pas la même équipe en première ronde que l'an dernier, où est-ce qu'on affrontait l'équipe qui était classée 8e. Dans ce cas-ci, on va affronter, comme c'est parti, l'équipe qui est classée 5e. C'est pas le même défi. Non. Les Gigi's d'Ottawa qui sont là présentement, ou les Lakers de Nipissing qui nous ont battus 2 fois. Je pense pas que c'est le genre de défi qu'on a le goût d'affronter, parce qu'à date, à part McGill 2 fois et ce match-là contre Carlton, c'est les 3 seuls matchs du côté des Patriots qui étaient contre des équipes de tête. On n'a pas affronté de puissance, on n'a pas tant que ça, là, je veux dire, on n'a pas vu Ottawa qui sont 5e, on n'a pas vu Concordia qui sont 3e. Et dans l'Ouest, ben là, c'est sûr qu'on joue pas souvent contre l'Ouest, mais on n'a pas affronté et on n'affrontera pas les grosses équipes, là. Mais donc, c'est la différence présentement. Au niveau des avantages numériques, des désavantages numériques, des unités spéciales, en désavantages numériques, là. Il y a 19 équipes dans la Ligue, dans les sports universitaires de l'Ontario. Les Patriots sont présentement à 17e. Au niveau de l'avantage numérique, les Patriots sont présentement 12e. C'est une possibilité de 19 encore. Est-ce que ce genre de performance qu'on s'attend d'une équipe qui a fait sa renommée sur sa puissance offensive? Pas non, présentement. C'est sûr. Je trouve qu'il y a trop de talent dans cette équipe-là pour ce qu'on donne présentement, ce qu'on voit sur la patinoire. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas été habitué de voir les Patriotes comme ça. Là. Non, exactement. Quoi qu'elle aime pas. je vous parle du top 10 canadien. Écoutez, premièrement, McGill a connu sa première défaite en fin de semaine contre les Badgers de Brock. Vous m'auriez dit qu'il allait perdre contre les Badgers de Brock, j'aurais dit non. Mais oui, alors les Badgers de Brock qui les ont battus. Ce qui fait que McGill a baissé dans les classements d'une position. Ils sont maintenant au 3e rang. C'est toujours les Golden Bears de l'Alberta au 1er rang. UNB, les Reds du Nouveau-Brunswick en 2e. Les Mustangs de Western qui sont au 4e. Donc, 2 équipes de la OUA. Les SUO, devrais-je dire. On va dire en français, les Sports Universitaires de l'Ontario. Dans le top 5. Et on va retrouver aussi Lakehead qui est en 9e position. Lucita a reçu 21 votes. Mais on comprend que c'est avant le match contre Carlton, donc ça explique la différence. Les Patriots seront en action ce soir, c'est contre les Griffins de Guelph. Ça va un petit peu mieux du côté de Guelph. On a une fiche de 8 victoires, 5 revers, mais on est sur une lancée de 3 victoires consécutives. Donc ça sera pas nécessairement un défi facile. Peut-être le genre de match que ça va prendre pour se repopper un peu, se repartir. Là. On avait quand même une séquence de 4 victoires d'affilée, si je me trompe pas. Là. Du côté des Patriots, le problème, c'est qu'on perd les gros matchs. Donc, encore une fois, ça l'a fait. Le match est à 19h15 du côté de l'Arena Claude Mongrain. Et en terminant, je vais vous parler du University Challenge Adidas, le challenge Adidas. Je viens de voter justement pour ça. Tu viens de voter, ouais. Bon. Effectivement, moi aussi. On va expliquer. Trois fois, ben ouais. Écoute, c'est moi j'ai... Sur chacune de mes adresses courriel. Ben ok, on est deux. On est deux à avoir fait ça. Alors, on vous explique c'est quoi dans le fond. C'est Adidas qui fait un concours à travers toutes les universités, ou du moins c'est ce que j'ai l'impression, là, qui sont commandités par Adidas. Donc ici, les équipes de soccer, tout ça, on commandite d'Adidas. Donc on invite les étudiants, les gens allaient voter pour leur université préférée. Peux-tu me confirmer, Phil, la position de l'UQTR présentement? 19e. 19e position sur une possibilité sur 19. De... Sur 19. Donc, on est au dernier âge. Quoi, ça s'était amélioré? J'ai regardé rapidement. Là, il me semble qu'on est la seule université du Québec ouais. dans le classement. Oui. Ouais. Non, mais appel national à tous. Non, McGill est là. C'est pas vrai. Ah, McGill est là. McGill est là. Ils comprennent pas. C'est pas vrai. Ils sont classés 3e, même, McGill. Oui, McGill. Ben, j'ai l'impression que le coco s'est passé un peu plus facilement. Donc, allez voter. Et n'hésitez pas à mettre ça sur Facebook. Mettez le lien sur Facebook. Ben oui, mais proposition également aux membres de l'AGE, là, si, ou je sais pas qui peut faire ça au niveau de l'administration, mais mettre ça sur le portail étudiant, ça en serait tête, intéressant. Sur le journal sur en tête, journal ça pourrait être intéressant. Ça pourrait aider, ouais. Ça pourrait aider beaucoup. Les votes pour la première ronde se terminent le 28 novembre, donc cette fin de semaine. Ce qui est à l'enjeu, c'est 25 000 $ d'investis dans les équipes sportives de l'université gagnante. Là, je pense qu'après ça, ils s'en vont dans le principe des tournois, là, les brackets, les tournois en équipe contre équipe. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent garder les 16 meilleures équipes. Pour l'instant, les Patriots n'en font pas partie. On s'en va en musique. On s'en va écouter Extérieur avec la chanson Campanile. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou! J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. confiance aux escaliers. Un plancher fragile sous nos pieds. Marche en silence, ouvre tes yeux. On dit qu'ici vivent des vieux. Quand je suis finalement arrivé dans la grande salle déjà saccagée, les tables de ping-pong étaient les témoins de morceaux d'histoire de l'île bizarre. Y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de trou, puis je vous suspends tout. Va écouter l'hymne national! L'inconduite de partie. C'était Extérieur avec la chanson Cabanel. Vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Il est 9h29 après la pause. On va avoir Jonathan Bernier qui va venir nous parler du Canadien de Montréal, des derniers matchs. En attendant, on parle un petit peu de hockey de la région de la Mauricie. Tout d'abord, au niveau du collégial 3-2A. Ben, collégial masculin, je pense qu'il n'y a pas de nom. Il me semble qu'il n'y a pas de nom. Là. C'est le hockey collégial masculin du réseau d'éducation sportif québécois. Papati patata. Les Dragons du Collège de la Flèche disputaient deux matchs la fin de semaine dernière. Ils l'ont emporté 4-3 face au cégep André Laurendeau vendredi soir et le dimanche, ils étaient en action. Cette fois, c'était encore là, contre le cégep André Laurendeau, mais à l'extérieur, c'est une défaite cette fois-ci de 4-1 de la part du collège La Flèche. Au classement, La Flèche, avec 17 matchs de disputés, 11-16 points, sont présentement au 5e rang. Ils sont devancés. Écoute, toutes les équipes devant eux ont des matchs en main sur un ou des matchs en main, dont le cégep Saint-Laurent qui a un point de plus, mais 4 matchs en main. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il soit devancé un petit peu. Par contre, derrière La Flèche, André Laurendeau, justement, eux, qui ont 12 points, mais 3 matchs en main. Du côté du Caron et Gay de Trois-Rivières, ils disputaient 2 matchs, eux aussi, la fin de semaine dernière. Tout d'abord, ils affrontaient les 2 matchs contre le GCI de Sorel. Sorel, là, en tout cas, qui s'est passé quelques affaires au niveau des propriétaires, tout ça. Je vous invite à aller lire ça. Moi, j'ai pas eu de temps de vous résumer ça, là, mais je sais qu'il y a eu de la bisbille dernièrement. C'est des victoires de 5-3 de la part du Caron Aigué le vendredi soir. Et finalement, ça, c'était au Colisée Gardin de Sorel. Et une victoire de 4-1 de la part du Caron Aigué encore une fois. Cette fois-ci, c'était au Colisée de Trois-Rivières dimanche dernier. On va aller au niveau du classement. Écoutez, Caronguay, deuxième dans la Ligue. Ils ont 22 points en 16 matchs. Ils sont tout juste devancés par le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce, qui, eux, ont 25 points en 15 matchs, donc un match en main. Et en troisième position, l'Isothermique de Thetford Mines. Toujours des noms géniaux hein, dans la Ligue nord-américaine de hockey. On s'ennuie du bon vieux Blizzard de Saint-Gabriel qui affronte les Dragons de Sorel. Écoute, nous, on avait le cousin à Saint-Hyacinthe. Ah, quand même. Tu sais, déjà que t'es dans le milieu agricole, puis tu y vas avec le nom le plus consanguin possible. Ah, oui. Ça, c'est un signe de... Ça peut juste réussir.

and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Mumford and Sons avec la chanson Little Lion Man. On s'en va avec monsieur Jonathan Bernier. Comment ça va, Jonathan? Ça va bien, vous-même? Ben oui, ça va très bien. Alors, oui. Jonathan de ruefrontenac.com, notre chroniqueur Ligue nationale canadien. Jonathan, à quoi va ressembler votre numéro de Rue Frontenac cette semaine? Notre numéro de Rue Frontenac cette semaine, on est rendu au premier quart de la saison du Canadien. Donc, mon collègue Pierre Durocher, il est allé de son bulletin d'étape, si on veut, là, de quart okay. de saison. Évidemment, les meilleures notes ont été octroyées. Est-ce que vous avez une rencontre parent avec les joueurs ou Non, on s'est abstenu là parce que bon, c'était un peu compliqué de rejoindre tout le monde là en Europe et non. Sérieusement, la meilleure note est octroyée évidemment à Carey Price. Oui. J'aurais cru Scott Gomez. Ah ben attendez un instant, lui aussi il se démarque, mais à l'inverse. Donc les meilleures notes à Price et Thomas Plekanec. Oui. Et puis les deux pires là à Scott Gomez et Dustin Boyd qui avons là inutile dans l'entourage. Ouais, ben là c'est ça le ben écoute, il y a quelqu'un qui charrie les bâtons puis tout ça là. Ben ça prend quelqu'un exactement. Et avez-vous décerné une note pour l'être s'étant le plus amélioré à André Costitine? Non, pas encore là. Il est en nomination par contre, mais on n'a pas arrêté notre choix encore. C'est bon. Hey, parlant de Scott Gomez, évidemment, notre ami connaît un début de saison affreux. Comme à peu près à tous ses débuts de saison, excepté sa saison recrue, on a fait quelques petites recherches, puis on se rend compte qu'au mois d'octobre et novembre, en carrière, il monte une moyenne de 0.69 points par match. Et cette moyenne-là augmente à mesure que la saison avance pour se terminer en février, mars et avril avec une moyenne de 0.88 points par match. Donc, un gars de fin de saison et de séries éliminatoires. D'ailleurs, on a pu le constater l'an dernier. Ben, si on a des joueurs qu'on a tout à reconnus comme des Monsieur Octobre, Brian Savage est le premier qui me vient à l'esprit, là. Si au moins il peut se mettre à jouer tantôt, ça va déjà être ça, là. Ouais, ben, c'est ça. Autant avoir un Monsieur Avril-Mai que Monsieur Octobre. Quoique, à un moment donné, ça devient frustrant pour les amateurs, surtout avec le salaire qui lui est versé. Ouais. On peut-tu te payer juste à partir de décembre, maintenant? Ou? Ouais, ça serait bien, hein, pouvoir payer à demi-saison, là. Dans le fond, c'est ce qu'ils nous donnent. tout ça pour dire que Scott Gomez a peut-être trouvé la raison à son problème. Au bout de 8 ou 10 ans dans la Ligue nationale, là, je pense qu'il vient finalement de cliquer tout d'un coup. Il nous a parlé de ça mercredi après le match contre les Kings. Et puis, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui en ont parlé. Ouais, hein? Probablement parce que c'est arrivé en fin de match, c'est-à-dire après le match, puis les autres journalistes se sont concentrés sur les clips concernant la rencontre. Mais Scott Gomez nous a expliqué Kirk Muller l'a finalement pris sous son aile, puis l'a pris à part il y a quelques semaines ou quelques jours. Et puis, il a montré ce qu'il faisait de pas correct sur la glace. Et je vais vous faire entendre la clip, et puis vous allez être surpris d'entendre ce que Scott Gomez pense de lui-même. I don't know why it seems to start like that, but you know, I gotta definitely shoot more and take it to the net. And you know, Kirky definitely gotta give him a lot of credit. Not that I'm saying it, you know, changed, but Kirky grabbed me the other day. We had a long talk, and then you know he showed me what I was doing, and. You know, there's no question. I was cheating. I was getting away from the puck, and it's one game. But hey, we're winning, and but I gotta give you know, Kirky definitely kind of grabbed me, and it's easy to see what you're doing, and when you're cheating, and you're just trying maybe a little too much offense, where you gotta get back to defense. And but like I said, hey, we're winning hockey games, and that's I'd rather have that than you know, it's gonna come, and just the way it is. Bon, dans son marmonnage, qui n'est pas toujours facile à comprendre. OK, merci, c'est ce qu'on se disait. Ouais, c'est ça. Dans son marmonnage, il nous a expliqué, il a dit « Kirk Muller m'a fait comprendre et j'ai compris aussi que je trichais. » Donc, pas facile à admettre ça de la part d'un joueur. Là. C'est ouais, pas facile. Un vétéran. Là, non, exactement. Donc, il a admis qu'il trichait, puis il a expliqué un petit peu plus tard la façon avec laquelle il trichait, si on veut, là. Il nous a dit que bon, il avait laissé tomber sa défense parce qu'il était tellement concentré à essayer de sortir de sa léthargie qu'il faisait ça au détriment de sa défense, que ses replis défensifs étaient mous, si on veut, qu'il se présentait pas nécessairement toujours dans la circulation. Donc un paquet de petits points qui sont sans doute qui doivent sans doute irriter Jacques Martin, parce qu'on connaît le système de Jacques, qui est beaucoup axé sur un système défensif hermétique, puis sur ce que lui appelle le back pressure. Le back pressure, c'est justement l'espèce de repli défensif où tu fais pas seulement te replier pour prendre un homme, mais tu te replies pour faire donner de la pression au porteur de la rondelle, puis un peu venir en aide au défenseur avec qui il se trouve là à un contre un. Donc ça m'a surpris de Gomez, premièrement qu'il l'avoue. Et puis, deuxièmement, bon, une fois que tu l'avoues, évidemment, là, tu t'engages à mettre les efforts pour corriger la situation. Ce qui me fait dire, en tout cas, on a l'habitude de dire « faut avouer, ta moitié pardonner ». L'autre moitié, par exemple, selon moi, Jacques Martin devra peut-être lui... quand même lui donner peut-être une petite leçon, une petite punition. Là, moi, j'irais pas jusqu'à le mettre dans les gradins. Étant donné justement c'est un vétéran là, mais ça, lui faire visiter les bas-fonds d'alignement. Mais ça a quand même, excuse-moi, Jonathan. Oui, vas-y. Ça a quand même mieux été pour Scott Gomez contre Saint-Gel. On voyait qu'il s'est placé devant le filet. D'ailleurs, sur le but de Camilleri, il est un aspect très important. Oui. Bien placé devant le filet, il est allé prendre des coups. Moi, ce qui m'inquiète un peu peut-être pour Scott Gomez, c'est que Lars Eller a également décidé de choisir son meilleur match. Fait que peut-être que Jacques Martin va être moins porté à laisser Scott Gomez sur le deuxième trio, en fait, là, maintenant que Eller semble avoir des ailes. Moi, ce que je pense, en fait, une façon de punir un vétéran, c'est souvent de lui enlever du temps sur l'avantage numérique. Ouais. Peut-être que quelques matchs, là, regarder ses coéquipiers depuis le banc, ça pourrait peut-être faire un certain effet. En tout cas, c'est mon opinion. Mm. On l'accepte. C'est pas fou. Moi, je trouve que c'est pas mal la mienne aussi. Pour être vrai, là, rien de pire que d'être assis sur le bout du banc. Pour peu importe le sport, là, d'ailleurs, là, pour un gars qui aime jouer, puis peu importe le salaire que tu fais, être assis sur le banc, il n'y a jamais personne qui aime ça. Donc, quand tu es habitué au contraire, ça te donne une leçon assez rapide de « je comprends » ou « je vais rester là ». Exact. Maintenant, si on parlait de la nouvelle d'hier, la grosse nouvelle. Oui. En fait, la non-nouvelle, là, oui. Le retour, en fait, le feu vert à Marc-André Bergeron, mais le feu rouge du Canadien. Bon, en tout cas, moi, je suis pas nécessairement surpris de ça, d'entendre que le Canadien n'était pas intéressé au service de Bergeron. Déçu peut-être, mais pas surpris. En ce sens que l'an dernier, Bergeron avait apporté, évidemment, de fiers services aux Canadiens. Mais la situation est différente cette année. Cette année, on a Piqué Souban qui est arrivé avec les Canadiens, qui fait très bien. Il y a aussi Alexandre Picard qui a été acquis durant l'été par Pierre Gauthier. Bon, évidemment, Picard c'est pas le meilleur défenseur, c'est pas la vedette, mais il remplit quand même bien son rôle. Puis il a sa place sur l'avantage numérique, en supériorité numérique. Là, Jacques Martin aime bien lui faire confiance. Puis aussi, bon, avec le rappel de Weber, on semble avoir l'intention du côté du Canadien de peut-être lui donner une chance, là, du moins une chance de quelques semaines. Le temps de voir ce qu'il peut apporter dans la Ligue nationale, là, parce qu'il faut l'admettre, il a connu un excellent début de saison dans la Ligue américaine, il dominait tous les défenseurs du circuit au niveau des buts, et puis il a fait la moitié de sa production en supériorité numérique aussi. Donc c'est ce qui me fait comprendre, en fait, c'est pourquoi je suis pas surpris du fait que Bergeron ne recevra pas d'offre du Canadien. Cependant, tout porte à croire qu'il va aller s'aligner avec le Lightning. Selon Paul Corbeil, l'agent de Marc-André Bergeron, le Lightning s'est montré intéressé là, depuis le 1er juillet, qu'il y a des démarches en cours avec l'équipe de la Floride pour être au courant de ce qui se passe avec l'état de santé de Marc-André. Ça va faire parler dans certaines chaumières, le fait qu'il s'aligne avec le Lightning. On va en entendre parler encore plus. Puis c'est un choix qui est pas surprenant, parce qu'il faut se rappeler que l'an dernier, lorsqu'André Markov a été blessé, Paul Corbeil, c'est pas avec Bob Gainey qui faisait ni Pierre Gauthier, pardon, qui faisait affaire, c'était avec Julien Brisebois. OK. Puis Julien Brisebois est devenu l'adjoint à Steve Eisenman à Tampa Bay. Donc, ça ne me surprendrait pas que les deux hommes aient recommencé à se parler. Et aussi, bon, du fait que Guy Boucher, l'entraîneur du Lightning, et qui était l'entraîneur des Bulldogs l'an dernier, on fait, en tout cas, les liens sont faciles à faire. Ouais. C'est ce qui fait en sorte que, selon moi, là, si les deux parties s'entendent, là, c'est l'équipe qui est la plus propice là, pour la poursuite de la carrière de Bergeron. Est-ce que tu as entendu parler, Jonathan, de la rumeur concernant Kevin Bieksa? Non. Non? Ah bon, ben, c'est de valeur. En fait, rapidement, j'ai cru entendre que le Canadien pourrait être intéressé à Kevin Bieksa, justement, pour remplacer l'absence là, de Markov d'ici la fin de la saison, si la blessure se confirme. En fait, Bieksa, qui est à Vancouver, défenseur droitier, qui pourrait un peu apporter là, autant de la stabilité en défensive qu'une petite pointe en attaque. Donc, je me demandais si t'en avais entendu parler, mais si t'en as pas entendu parler, ça confirme un peu le fait que ce n'est qu'une rumeur. Ben en fait, aussi, moi, si on va en savoir plus, si on va connaître la condition de d'André Markov, est-ce qu'il est terminé pour la saison ou est-ce qu'il y a des chances qu'il revienne? C'est pas bon signe qu'on n'ait déjà pas d'idée de ça, là, présentement. Là. Non, c'est ça. Mais lui, je pense que ce qu'il veut savoir. D'après moi, il y a eu une opinion, une première opinion d'un docteur, une première opinion négative, si on veut, puis selon moi, il attend peut-être d'avoir. C'est une deuxième opinion, ben avoir l'opinion que lui désire. Là, se faire dire qu'il n'aura pas besoin de se faire opérer pour pouvoir dire aux Canadiens, écoutez, attendez-moi, je vais être là avant la fin de la saison. Parce que si on regarde, je vais faire une petite parenthèse, convention collective. Là, une fois qu'un joueur a manqué 10 matchs, l'équipe peut le mettre sur la liste des blessés à long terme. Ce que ça fait, c'est que le salaire du joueur il n'est plus comptabilisé sur la masse salariale de l'équipe. Donc, dans le cas de Markov, il a touché environ, là, je dirais, 1,5 million sur les 5,5 millions de son salaire cette année, ce qui ferait en sorte que le Canadien libérait 4 millions sur sa masse salariale. Le problème est que si Markov est fini pour la saison, le Canadien peut aller chercher un autre joueur et lui donner, si on veut, mettons, le 4 millions, le 4 millions qui lui reste. Là, si je regarde Bieksa, le Bieksa lui a 3,5 millions, donc il fûterait dans l'espace laissé par Markov. Le problème, cependant, c'est que si Markov revient avant la fin de la saison, ben il est obligé, le Canadien va être obligé ou de pas reprendre Markov ou de renvoyer Bieksa, ou en tout cas de remodeler sa masse salariale. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça que le Canadien attend d'avoir la confirmation du non-retour de Markov pour faire un mouvement. Jonathan, ce soir, on affronte Atlanta du côté du Canadien. À quoi tu t'attends comme match? Je m'attends à un match plus serré qu'on le pense. Mmh. Les Thrashers viennent au 8e rang dans l'Est. Cependant, sont au cœur d'une séquence de 3 victoires. Et dans ces 3 victoires-là, il y en a 2 contre des équipes assez puissantes. Washington, en début de semaine, ils ont vaincu Washington 5-0. Puis mercredi, si je ne me trompe pas, ils ont vaincu les Red Wings 5-1. Donc, quand un club bat Washington et Détroit dans la même semaine, là, en comptant 10 buts en plus, là, contre un seul, ça peut laisser présager un match assez excitant. Les Thrashers, ils sont devenus plus dangereux sans Kovalchuk qu'avec. Oui, mais le gros Dustin Byfuglien qui est de retour à la défense. Là. Ça, là. Quelle idée géniale de la part de l'entraîneur. J'ai un blanc, là, mais Craig Ramsey. Exact. Ouais. J'allais dire John Anderson, mais c'est il fait longtemps qu'il est plus là. Ouais. c'est ça, Dustin Byfuglien. Puis lui aussi, il va bien par les temps qui courent dans les... Justement, dans cette séquence de 3 victoires-là, là, il a amassé 4 points. Et puis Andrew Ladd aussi, là, son coéquipier des Blackhawks, avec qui il s'est amené à Atlanta. Bon, lui, il a une séquence de 5 points en 3 matchs. Puis c'est les 2 meneurs dans la colonne des pointeurs pour les Thrashers avec 23 points et 20 points. Donc, Je pense que Dustin Byfuglien, maintenant dans l'Est, on va apprendre à le détester. Du côté des partisans, quoique moi, c'est un de mes joueurs préférés. Là. Ben, un joueur polyvalent. Écoute, un lancer foudroyant de la pointe, peut jouer en défense, puis est aussi à l'aise à l'attaque pour faire aller chercher les rondelles dans le coin, bloquer la vue du gardien, prendre les retours. C'est un joueur. Tu sais, le fameux power forward, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est la défi- en défense. C'est la description, ouais, la description idéale. Ouais. Puis, tu t'ajoutes à ça le volet défensif, ouais. Le volet que je peux jouer à défense. Donc, ça complète bien le portrait. Et puis, bon, dans le filet, juste pour terminer, oui, avec les Thrashers dans le filet, il y a Andrei Pavlev qui connaît lui aussi un excellent mois de novembre. Il est rendu troisième dans la ligue pour la moyenne de buts alloués avec 1.84. Puis il est également troisième avec le pourcentage d'arrêt à 94,2%. Rapidement, Jonathan, samedi, c'est contre Buffalo, les Sabres qui s'amènent à Montréal, pour une fois qu'on n'est pas un vendredi soir à Buffalo. comment tu vois ce match-là? Et tu me parlais qu'il y a un petit peu de bisbille à Buffalo. Ben, en fait, c'est des rumeurs de bisbille. Okay. Je vous explique pourquoi. Lundi, Tim Connelly est arrivé à l'entraînement avec un œil au beurre noir. Et puis, selon les premières rumeurs, en fait, il y aurait eu une altercation entre lui et Derek Roy. Lors d'une activité caritative organisée par Ryan Miller, une espèce de défilé de mode comme dans Slapshot. Pourquoi j'ai pas le son juste là, je l'aurais fait jouer là. Donc la première rumeur, c'est qu'il y a eu une altercation entre Roy et Conley, mais bon, l'organisation des Sabres, elle, a expliqué que Tim Conley s'était fait son œil au beurre noir en chutant, ou en tout cas, c'était dans une chorégraphie. Ouais, il est tombé de l'escalier. Pendant une chorégraphie à cause lors de la parade de mode ou de la répétition de la parade de mode. En tout cas, c'est une histoire assez bizarre. Puis, ça sale n'importe quoi. Le pire dans tout ça, c'est que je l'ai dans mon pot. Ça, c'est plate. Hein? Quand un joueur, malgré qu'il n'est pas à l'écart du jeu à cause de ça. C'est ça là, mais il est juste pas heureux. C'est ça. C'est Joe Sakic l'année passée, ou il y a deux ans, là, qui s'était mis les doigts dans la souffleuse. C'est agréable, ça, pour le gars qui l'a dans son pool. Ouais, puis en tout cas, pour venir à Sakic vite, là, ça a l'air que c'était pas le genre de gars à engager quelqu'un pour passer sa souffleuse. Il était assez gratissou, apparemment. Ben bon, en tout cas, tout ça pour dire, ça me fait penser à l'histoire de Plekanec et Souban. C'est ce que je voulais. Qui défait un peu les manchettes depuis le début de la semaine. Bon, je refais un petit retour à la semaine dernière, après le match des Flyers, l'histoire de Richards et Subban. Bon, on est allé voir les gars dans le vestiaire pour leur demander, trouvez-vous que Subban parle trop ou qu'il devrait se montrer un petit peu plus respectueux? Tous les joueurs, sans exception, ont dit qu'on devrait laisser jouer Subban de la façon dont il joue, parce que c'est comme ça qu'il est utile à l'équipe, c'est comme ça qu'il se sent bien. Le seul qui a posé un petit bémol à sa réflexion, c'est Thomas Plekanec. Je vais vous faire entendre sa déclaration qui, à ce moment-là, paraissait vraiment anodine, mais remis dans le contexte d'aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a peut-être un petit... On peut lui donner un petit peu plus d'importance, en fait. It's good for him. He's confident that way, but obviously some veterans doesn't like these kind of things or some kind of things. I don't know what he exactly says or what he's saying to the other guys, but sometimes, you know, and I remember myself when I was 18, 19, when I played back home in the Czech League, and I was same thing. I was, you know, talking to the vets and didn't really, and not in a nice way. So they didn't like it, and you know, I changed. I realized that's not a way to approach this kind of way. I just talk to the vets with no respect or something like that. Bon, ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, il veut pas nécessairement que Subban change sa façon de faire, mais qu'il devrait peut-être faire un petit peu plus attention, être plus respectueux dans dans les choix de ses mots, la façon dont il parle aux vétérans. Puis il se ramène à lui quand il avait 18-19 ans, puis il dit « je faisais la même chose ». Il dit « je parlais beaucoup, puis tu sais, j'écœurais l'adversaire, j'écœurais les vétérans », puis il dit « un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas correct ce que je faisais, puis que je devais peut-être attendre d'être un petit peu plus vieux, si tu veux, un petit peu plus établi dans la ligue pour commencer à parler. Fait que, tu sais, ça c'est comme si ça l'irritait un petit peu. Puis on a vu cette semaine que ça l'a vraiment irrité parce que même lui il a pris un petit peu les nerfs là. Bon, c'est ça arrive des fois dans les entraînements. Je veux pas faire tout un plat avec ça, mais je voulais juste souligner la déclaration de la semaine dernière pour montrer qu'il y avait peut-être déjà une petite racine de colère à ce moment-là. De discorde un petit peu. Ouais, c'est ça. Ben, on te remercie beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir. Donc, Jonathan Bernier de ruefrontenac.com, n'hésitez pas à lire le nouveau numéro qui est sorti hier dans les magasins de la région et de plus en plus partout au Québec, là, de plus en plus. Donc, merci beaucoup, Jonathan. Bonne journée. Bonne journée. Salut. On s'en va en musique, on s'en va écouter Jésus les filles avec la chanson On verra. Au retour, Pierre-Luc nous parle d'Hockey Junior. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. C'était Jésus les filles avec la chanson On verra. Donc, ce que je dis souvent à ma blonde, non, on verra. Là. On verra. On verra. On verra. OK, Junior, puis Luc, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des cataractes et du circuit Courtois? Oui, donc les cataractes, la semaine dernière, qui avaient deux gros matchs. Là, tout d'abord, qui affrontaient les Tigres de Victoriaville. C'était vendredi dernier. Nico, je pense que tu étais présent à la exactement, partie du côté du Centre Bionnes. Un excellent match digne de la Ligue nationale, c'est-à-dire du bon jeu défensif, pas beaucoup d'erreurs, du jeu robuste. J'ai adoré une excellente partie, vraiment. Donc, un très bon duel là, entre les deux équipes région. Est-ce que tu as toi-même pris les photos qu'on peut voir sur ton blog, Nico? Oui. Fantastique. Mais écoute, pour notre projet qui s'en vient et qu'on discutera dans les semaines à venir, c'est-à-dire l'inconduite de partie va grossir. Attendez-vous à deux émissions par semaine au lieu d'une. Donc, je commence à faire ma banque de photos. Honnêtement, là. Donc, c'est ça, oui, en effet, de plus en plus sur le blog. inconduitedeparti.com. On a pu lire le texte. As-tu payé pour ta pub en ce moment? Non, mais... Okay, c'est la semaine dernière, tu me disais s'ils veulent la pub, non, ils vont payer. Donc... C'est de l'autopromotion, c'est différent. Ah, OK, ça, c'est gratuit. Donc, on arrête de perdre du temps. Puis, Luc, parle-nous un peu du match. Ben, j'ai bien du stock à dire, fait que... on va continuer là-dessus. Donc, tout d'abord, les Cataractes, donc, à ce match, l'ont emporté 4-3 en prolongation. C'est Dominique Schlumpf. Dave Labrec, là, qui vraiment, là, une superbe passe de Dave Labrec. Est-ce que j'ai bien dit le nom? Ouais, Schlumpf. Ouais, Dominique Schlumpf, ouais. C'est comme Schlumpf, mais ça reste. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Kazevan et Veilleux ont chacun un but dans la victoire. Du côté des Tigres de Victoriaville, c'est Philippe-Michael DeVos, Guillaume Goulet et Yannick Dubé qui sont les buteurs. Aussi à remarquer Dave Labrec, là, t'en parlais, deux passes dans la victoire. La première étoile du match aussi, je crois. C'est Schlumpf, la première étoile du match. Okay. Souvent, ce qui arrive lorsque le match se termine en prolongation. Maximilien Lossier aussi a deux passes. Peut-être que tu pourrais nous en parler, Nicolas. Je pense que la deuxième période, ça a été assez intense. Un total de 12 punitions pendant la période. On a eu un combat entre Dylan Donnelly et... il me manque le nom, là. Faudrait que j'aille fouiller. Tu peux peut-être me le sortir, sinon c'est pas grave que ça. Combat, écoute, quand les arbitres sont entre toi, t'arrêtes de te frapper. C'est tout ce qu'on dit d'habitude. Ça continue à qui me mieux. L'arbitre a mangé un coup de poing en pleine face, des choses comme ça. Donc, on a dépassé les bornes là-dessus, mais un match intense. Ouais, c'est ça. Ça a été très rude. La phrase qui nous est venue, nous les journalistes, en haut, c'est « Oh, c'est plate qu'ils s'affrontent pas plus souvent dans la saison. » Ça, c'est sûr. Avec le nouveau calendrier, nouveau classement, ça fait que les deux équipes s'affrontent moins souvent. Mais je pense que les rivalités restent là quand même. Là. C'est quand même deux clubs qui, depuis longtemps... T'as une heure de route, là. Fait que... C'est ça. Ensuite, samedi... Écoute, on va aller écouter les commentaires. Éric Veilleux. Éric Veilleux à la suite, à la suite de cette partie. Dans le fond, je me suis entretenu avec lui. Je me lui ai demandé, l'équipe paie plus. Ça va très bien du côté des Cataractes. Est-ce qu'on a peur d'un excès de confiance qui cause, qui fait qu'on se fasse surprendre par la suite dans les matchs subséquents? Donc, on va écouter sa réponse. Une équipe jeune comme ça, je pense pas que ça peut arriver, là, honnêtement. On l'a vu encore une fois aujourd'hui. Regarde, on sait ce qu'on a à faire, puis on est bon quand on travaille. Et puis comme j'ai dit aujourd'hui, c'était pas une question qu'on a mal joué, c'était plus une question qu'on a mal contrôlé nos émotions en deuxième période. Et puis, je pense que c'est la première fois même cette année là, que ça nous arrive. Je m'attendais pas à ça. Puis, premier match, ça faisait un petit bout qu'on était parti, ça fait 3 semaines. Je pense qu'on n'avait pas joué chez nous. Donc, regarde, on voulait peut-être en mettre un petit peu plus que le client demande, comme on dit. Puis... c'est pas la façon de jouer. On en avait parlé avant le match. Puis je pense qu'en troisième, on est revenu à nos bonnes habitudes. Donc c'était Éric Veilleux, entraîneur-chef des Cataractes, qui le lendemain affrontait les Maniacs de Lewiston. Donc, Lewiston qui s'amenait ici à Shawinigan. Oui. Qui ça va bien du côté de Lewiston quand même. Oui, Lewiston qui, en ce moment, ont perdu malheureusement contre les Remparts de Québec en fin de semaine. Mais quand même, s'il aurait gagné, il serait premier au classement là, dans la TELUS S. Lewiston qui va très, très, très bien là, dans les temps qui courent. Donc c'est ça. Je peux te savoir pourquoi que vous avez. S'il aurait gagné. Je suis de Québec. Pop, pop, pop. Yeah. Il paye le prix. Il paye le prix. Donc, le but gagnant, encore une fois, les Cataractes qui sont allés en prolongation pour décider du gagnant de ce match. Et cette fois-ci, ce n'est pas eux qui ont compté, mais c'est les Maniacs. Donc, Olivier Dame Malka qui a eu le but gagnant du côté des Maniacs de Lewiston. Donc, victoire de 2-1 des Maniacs en prolongation. Je pense que ça s'est joué aussi en avantage numérique, puisque les Cataractes ont eu 8 chances de compter 0 fois. Ils ont été capables de compter un but en avantage numérique. Donc, je pense que l'attaque à 5, là, on devra travailler là-dessus beaucoup. Je pense que Éric Veilleux devrait faire une bonne pratique là-dessus parce que ça n'a pas bien été du tout contre les Maniacs de Lewiston. Donc, et aussi Nicolas Champion qui a connu un très, très bon match. 29 arrêts sur 30 tirs. Donc, Nicolas Champion aussi, qu'on en parlera plus tard, est une des vedettes de la semaine dans la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec. Donc, les Cataractes de Shawinigan qui ont, depuis le début de la saison, une fiche de 15 victoires, 6 défaites, 2 défaites en prolongation et une défaite en fusillade, ça leur donne un total de 33 points. Ils sont au 4e rang dans la section TELUS Ouest, derrière les Olympiques de Gatineau qui viennent de les devancer, eux qui ont un point d'avance, mais trois matchs en main. Donc, ça va bien. Ça va quand même bien pour les Cataractes. Écoute, même les Voltigeurs. Très belle fiche, mais pas juste bien. Même les Voltigeurs de Drummondville ont 4 matchs en main, ont seulement 4 points d'avance. Ouais. On est capable de rattraper les Voltigeurs au 2e rang. Montréal va être plus difficile, là, mais ça va bien du côté des Cataractes. On n'a pas à se plaindre. Non, c'est ça. Mais la section TELUS Ouest est très forte. Si on regarde les fiches des équipes, là, ça, check, on regarde ça, les Cataractes. Cataract, là, ont quand même 9 victoires de plus en temps réglementaire. Là, que, donc, c'est excellent. Là, on joue en haut de 500 de beaucoup, puis on est au quatrième rang là, sur 6. Donc, c'est ça. Donc, Michael Bournival est la grande vedette de l'équipe, on le sait. Un total de 28 points depuis le début de la saison. Mais on passe au match de ce soir, alors que les Cataracts de Shawinigan vont recevoir la visite du Junior de Montréal et de Louis Leblanc. Donc, on pourra voir à l'œuvre deux des futurs espoirs du Canadien de Montréal avec Michael Bournival et Louis Leblanc. Donc, un excellent affrontement. Je pense que les Cataracts attendent de pied ferme le Junior de Montréal qui, en ce moment, trône le premier rang de la TELUS Ouest, qu'on en parlait plus tôt. Donc, ça devrait être un excellent match. Les Juniors de Montréal qui ont d'ailleurs 3 victoires de suite et les Cataracts qui, eux, ont 10 matchs sans avoir perdu en temps réglementaire. Donc, ça risque d'être un excellent duel. Samedi, ensuite de ça, il se rend du côté de Gatineau alors que le troisième rang, comme on en a parlé plus tôt, est en jeu. Un seul point sépare les deux équipes. Et dimanche, les Cataracts sont de retour au Centre Bien-Est pour affronter les Wildcats de Moncton. Les Cataracts devront surveiller les frères Saulnier, Alex et Alain, qui vont très bien dans les temps qui courent. Eux qui ont chacun 35 points en 27 matchs. Écoute, c'est deux frères, deux jumeaux. Deux jumeaux. Même fiche depuis le début de la saison. Même nombre de points. C'est quand même drôle. Ça nous rappelle notre père de jumeaux qui joue dans l'Ouest canadien. Et certains Cédine. Et Cédine, des petits roues. Oui. Qui vont très bien d'ailleurs cette année. Ben, l'an passé aussi. Oui, finalement, ils vont bien à tous les années. Mais je veux dire, il y avait un CD en haut du pool, en haut du classement l'an dernier, les marqueurs. Donc, Autre petite nouvelle, les Cataracts de Shawinigan qui ont fait l'acquisition de Garrett Clark des Moussets d'Halifax. Ils l'ont échangé contre un quatrième choix en 2011. On parle d'un défenseur un peu qui a un comportement à problème du côté de Garrett Clark. Oui, c'est ça. On va regarder si ça va être la même chose du côté des Cataracts. L'année passée, il avait amassé... 22 points en 4 matchs. Ça se peut, là. Ben non. Peut-être 2 points. Minutes de pénalité, peut-être en 4 matchs. Non, c'était 22 points. Ah, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Là. C'est ça, c'est pas plus grave que ça. On continue donc du côté des Voltigeurs de Drummondville. Eux avaient une petite fin de semaine après avoir eu 3 matchs. La fin de semaine dernière, en fin de semaine, affrontaient seulement l'Océanique de Rimouski. C'était vendredi. Ils se sont inclinés malheureusement par la marque de 5-4. Alex Belzile a été la grande vedette du match avec un total de 4 points, 4 passes. Félix Lefrançois, 2 buts. Du côté des Voltigeurs de Drummondville, les pointeurs Charles Couturier, 1 but, 2 passes dans la défaite et Alexandre Comtois a 1 but. Le gardien de but, Guillaume Nadeau, a été d'office pour le match, a été remplacé par Dominique Graham après le 3e but de l'Océanique. Lui qui affrontait Morgan Clark, le gardien de l'Océanique, qui va très bien, là, le jeune espoir là, Annick de Rimouski. Ça va très bien pour lui. 30 arrêts dans le match pour M. Clark. Donc, les Voltigeurs de Drummondville qui glissent au deuxième rang dans la TELUS Ouest derrière le Junior de Montréal avec un total de 37 points. Ils ont 2 points derrière le Junior de Montréal et combien 3 matchs en main par exemple pour le Junior de Montréal. Donc, les Voltigeurs d'après moi là, qui ont perdu là, le premier rang de la TELUS Ouest pour un petit bout. Là. Le Junior de Montréal, comment ça va? Pour là? Un long bout, j'ai l'impression. Ouais, d'après moi, pour le reste de la saison. Je pense pas qu'on le revoit d'ici la fin d'année. Donc, les matchs pour les Voltigeurs, vendredi, ce soir, ils reçoivent la visite d'Éthique de Victoriaville. Et dimanche, un match très important. Bien sûr, le Junior de Montréal, qui sera du côté des Voltigeurs de Drummondville. Un autre très bon duel entre Charles Couturier et Louis Leblanc. Ça va être du centre Marcel Dion. Il y a du gros hockey ce soir. Ouais. Drummond à Fondvicto, les Pats jouent, Cataract Montréal, le Canadien est là. C'est une soirée hockey. C'est une énorme fin de semaine de sport, de toute façon. Ouais. Là. Ouais. On en reparlera tantôt pour le football. Là. Donc, Tic de Victoriaville, eux qui avaient un match seulement dans la fin de semaine, ont été défaits assez facilement par la marque de 8-2 contre l'Océanique de Rimouski. C'est Alex Bézil, encore une fois, qui a été la vedette du match. 2 buts, 1 passe. Félix Lefrançois et Ryan Cavana, 1 but, 2 passes dans la victoire. Encore une fois, David Onzik, qui a été remplacé, là, qui était devant les buts pour l'Éthique de Victoriaville, a été remplacé par Antonio Mastropietro. Donc, les deux matchs dans leur fin de semaine, l'Océanique, ont enlevé le gardien là, d'office pour le match. Donc, a été une très bonne fin de semaine pour l'Océanique. Philippe Michael DeVos est toujours le premier marqueur dans la Ligue avec un total de 49 points. Il devance Jonathan Andy Marchessault de 8 points devant lui. Donc, DeVos, ça va très bien pour lui. Les matchs pour les Tigres de Victoriaville, ce soir, on en a parlé, ils sont du côté de Drummondville. Et samedi, ils reçoivent la visite de l'Île-du-Prince-Édouard, le Rocket, qui sera donc en ville. Rapidement, les étoiles de la semaine. Alex Belzil, la première étoile de l'Océanique, un total de 7 points dans les deux victoires des siens, une contre les Tigres et une contre les Voltigeurs. La deuxième étoile, Nicolas Champion, le gardien de but des Maniacs de Lewiston, qui a stoppé 63 tirs sur un total de 67 lancés dans la fin de semaine, une moyenne de 1.94. La troisième étoile est Corey McIntosh, l'ailier droit des Screaming Eagles du Cap-Breton, un total de 3 buts, 4 passes en 2 matchs. Et Nicolas Champion, d'ailleurs, a été le gardien de but de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey. Et finalement, Jeff Molson du Canadien qui a donné son appui à la candidature des Cataractes de Shawinigan pour obtenir la Coupe Memorial. Chose qui ne sera pas facile parce que j'ai l'impression que la ville de St. John's va avoir tout un dossier à présenter. Halifax, Cap-Breton, j'y crois pas vraiment parce qu'ils n'ont pas d'équipe. Ça m'étonnerait qu'il y ait des équipes de qualité l'an prochain. Mais du côté de... Ça va jouer entre St. John's et les Cataractes, ce qui désavantage les Cataractes. Bon, la grandeur de l'aréna, premièrement, c'est un petit peu plus grand au Arbor Station. Et... le fait que la dernière Coupe Memorial a été tenue au Québec. Par contre, c'était à Rimouski. Donc, on était déjà. Il y avait déjà des odeurs de poisson. Ça se peut qu'on ait le goût de revenir dans la région. Du côté de la sélection de la Coupe Memorial, en fait, l'erreur a été faite alors qu'on ne l'a pas attribuée à Shawinigan lors du 40e de l'équipe. En plus que cette année-là, on avait une bonne équipe. Ça aurait pu être très, très bien pour la tenue de la Coupe Memorial, mais on a préféré. Honnêtement, là, ce que je vois présentement de l'équipe des Cataractes de Shawinigan, emmenez-le 2012. Parce que à défaut d'avoir la Coupe Memorial, Shawinigan va avoir une très bonne équipe. Mm-hmm. Vu que je pense pas que Bournival va faire le club du Canadien l'an prochain, les Cataractes ont présentement une bonne équipe et ça va se continuer l'an prochain. Ils sont excellents à voir, là, puis vraiment. On va peut-être revoir l'Indien. Oui, il est fatigué avec son Indien. Donc, on s'en va une pause. Au retour, celui qui tripe ses Indiens va nous parler de football européen. Vous écoutez l'inconduit de partie sur C'est fou. C'est fou, ça. 89.1. C'est ça me donne le goût de danser. Hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique entraînante. La rivière, le 16e. Attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif, un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'inconduit de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Yeah. Hey, c'est bon ça. Vanessa Paglietter avec la chanson Le Reflet. Vraiment, j'aime ça. C'était le fun. C'était pas pire pour un vendredi matin. Vendredi matin d'ailleurs où il fait présentement 1-2 degrés à l'extérieur à Trois-Rivières. Pour l'après-midi, on part d'un 4 degrés. Donc, il va faire un peu plus chaud. On peut s'attendre à ce que la neige stoppe. Par contre, avec le facteur vent, on parle de -1. Ce soir, passage nuageux avec une température de -1. Et dans la nuit de vendredi à samedi, si vous avez à prendre la route, faites attention. On parle d'un mélange de nuages et quelques averses de neige isolées. Vous êtes présentement... T'es quasiment bon. Hey, c'était bon, hein? C'était une présentation de Nicolas Zurbinski. Non, comment il s'appelle, là? Celui à Radio-Canada Montréal, là. Pascal Yakoulis, là. Ouais, Yakoulis. Trouvez-moi une job, là. Je suis parti. Non, mais c'est. Ouais, les gars, ça allait bien. Félicitations, les boys. Ligue des champions, 5e journée. Non, je m'en ai dit. Si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercialinconduitedeparti.com pour lire le blog et toutes les infos à propos de l'équipe et tout ça, c'est le www.inconduitedeparti.com. Ligue des champions, ta semaine. Ligue des champions, 5e journée, en fait. 5e semaine, tu veux dire? Ben, c'est 5e semaine, mais on dit 5e journée. D'accord. Donc, toutes les équipes qui jouaient. Donc, avant-dernier match de la ligue, de la phase de groupe. Donc, beaucoup de choses qui se placent. On commence avec l'Olympique marseillais qui bat le Spartak de Moscou, 3-0 en direct de Moscou. Début de Valbuena à la 18e, Rémy à la 54e et Brandao à la 68e. Donc, Marseille qui se réveille un peu. Qui a connu un lent début, mais qui maintenant se replace. Chelsea affrontait Žilina, toujours dans le groupe F. Chelsea l'emporte 2-1, début de Sturridge et Malouda. Et du côté de Žilina, la riposte est venue du côté de Bello. Ensuite, le Ajax d'Amsterdam affrontait le Real Madrid. C'est le Real Madrid qui l'a emporté facilement 4-0. Début de Benzema, Arbeloa à la 44e, Benzema à la 36e et Cristiano Ronaldo, 2 buts à la 70e et à la 81e. On est dans le groupe G, toujours dans le groupe G. Auxerre affrontait l'AC Milan. Victoire de Milan 2-0. Début de Ibrahimovic à la 64e et Ronaldinho dans les arrêts de jeu. Dans le groupe H, Braga affrontait Arsenal. Victoire de Braga 2-0. Début de Mateus à la 83e et à la 93e minute. Donc également dans les arrêts de jeu, toujours dans le groupe H, Shakhtar Donetsk affrontait Partizan et c'est Shakhtar Donetsk qui l'a emporté 3-0. Début de Stepanenko, Jadson et Eduardo ont porté la marque à 3-0. L'Inter de Milan affrontait Twente dans le groupe A. Donc une victoire de 1-0 de l'Inter de Milan, un but de Cambiasso à la 55e minute. Ensuite, Tottenham affrontait Bremen. Victoire de Tottenham 3-0. Début de Kaboul, Modric et Peter Crouch. Le très, très, très long Peter Crouch. Schalke affrontait Lyon dans le groupe B maintenant. Victoire de Schalke 3-0. Début de Farfan à la 13e. Unteler à la 20e et à la 89e. Toujours dans le groupe B, Tel Aviv affrontait Benfica. Et surprise, Tel Aviv qui enfin emporte un match 3-0. Début de Zahavi à la 24e et à la 92e minute et un but de Douglas Da Silva à la 74e minute ont porté la marque 3-0. Manchester United affrontait les Rangers dans le groupe C. C'est une victoire de Manchester United 1-0. Un but de Wayne Rooney sur un penalty. Donc Wayne Rooney qui sort de sa torpeur. Dans le groupe C, Valence affrontait Bursaspor. Victoire de Valence 6-1. Donc début de Mata, Soldao, Adouriz, Joaquin et Dominguez. Hey, j'ai eu de la misère avec mon accent. Et Batella du côté de Bursaspor à la 69e. Dans le groupe D, Ruben affrontait Kobanvan. Victoire de Ruben 1-0. Et un but de Noboa à la 47e minute sur un penalty. Et finalement, Panathinaikos affrontait Barcelone. 3-0, victoire de Barcelone. Un but de Pedro Rodriguez à la 27e et à la 69e. Et Messi à la 62e. Dernier en terminant pour le groupe E. Basel affrontait Cluj. Victoire Basel 1-0. C'est Almareas à la 15e minute qui a marqué. Donc, on est ensuite passé 75 minutes à se regarder dans le blanc des yeux. Et en terminant, l'AS Roma qui revient de l'arrière contre le Bayern et l'emporte 3-2. Le Bayern qui avait marqué du pied de Gomez à la 33e et à la 39e. La Roma a riposté. Début de Borriello à la 49e, De Rossi à la 81e ainsi que Totti à la 84e. Au niveau du classement, ben en fait beaucoup de groupes dans lesquels c'est déjà joué, notamment en fait du côté du groupe A, Tottenham et l'Inter Milan qui sont qualifiés avec 10 points. Du côté du groupe B, Schalke est qualifié avec 10 points. Rien n'est joué encore pour l'Olympique lyonnais face à Benfica. Benfica qui peut toujours espérer rattraper Lyon, mais je crois qu'au total début, Lyon devance Benfica. Donc, ça serait assez difficile pour Benfica. Dans le groupe C, c'est confirmé, Manchester United et Valence passent à la prochaine ronde. Dans le groupe D, FC Barcelone est déjà qualifié. Il va s'en suivre une bataille entre Copenhague et Rubin Kazan pour la deuxième place. Le groupe E, Bayern de Munich est qualifié, ainsi que l'AS Roma qui, à moins d'une victoire de Basel, qui pourrait rejoindre l'AS Roma, ce dernier se qualifiera. Chelsea est qualifié dans le groupe F. L'OM qui est tout près d'une qualification également. Ensuite, le groupe G, Real Madrid, c'est fait. L'AC Milan, c'est fait également. Donc, grâce à la défaite de Ajax, c'est dans le groupe H, Shakhtar Donetsk est qualifié. Il reste à voir si Arsenal et Braga pourront se tailler un poste pour la ronde des 16. Voilà pour la Ligue des champions. Donc, après tout ça rendu là... J'ai plus d'air. Ouais, hein? Mais après tout ça rendu là, c'est quoi ton analyse? Comment tu vois? Qui tu vois comme favori présentement à travers tout ça? Es-tu trop tôt pour toi? As-tu besoin qu'on soit rendu au stage d'élimination? Non, ben en fait, c'est sûr que là, il reste encore quelques équipes à se classer, ce qui va déterminer également là, qui affrontera qui dans la ronde des 16. Mais je crois que Chelsea est encore favori, selon moi, pour remporter la Ligue des champions. Il y a également Real Madrid qui a bien joué. Il y a Bayern qui a surpris tout le monde, en fait, qui a connu sa première défaite cette semaine. Toujours les mêmes équipes, en fait, là, Manchester United avec un retour de Wayne Rooney qui semble s'être remis un peu de sa blessure. Barcelone, toujours aussi, avec d'excellents joueurs. Il y a l'AC Milan avec Ronaldinho qui poursuit. Donc, c'est sûr que... pas de grosse surprise encore. Pas d'élimination surprise là, pour la ronde des 16. Donc, ça va se poursuivre encore probablement. Une belle Coupe du Monde cette année. Ligue des Champions, cette année. Mais c'était une belle Coupe du Monde cette année aussi, mais t'es en retard de 6 mois. Oui, effectivement. Là. Non, mais c'est parce que j'ai des nouvelles sur la Coupe du Monde un peu plus tard. Donc, je vous en reparlerai. Mais non, Chelsea, Barcelone, Real Madrid, là, c'est pas mal toujours dans les choix... dans les choix principaux, également Manchester United qui est toujours proche. Donc, ça devrait être le carré d'as potentiel. Ben, ensuite, on s'en va en Barclay League. Du côté de la Barclay League, en fait, il y avait quelques matchs cette semaine, mais je les ai pas tous notés, en fait. Puisque on avait quand même beaucoup de nouvelles à ce niveau-là du côté de la Ligue des Champions. Donc, au niveau de la Barclay League, là, pas grand-chose qui change au niveau du classement. Chelsea est toujours en tête, suivi de Manchester United et d'Arsenal. Du côté de Manchester United, ben justement, la nouvelle, c'est que Wayne Rooney est de retour. A marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le match de la Ligue des Champions. Donc, un gros soulagement pour Wayne Rooney, un but sur un tir de pénalité, mais quand même, un but qui va faire du bien. Donc, voilà du côté de Manchester United. Ensuite, au niveau de l'Impact, l'Impact qui confirme, en fait, la USSF qui confirme l'arrivée de la Ligue à 8 équipes au sein duquel évoluera l'Impact. On va comme une... Hey, tu peux être plus encourageant? Ouais, non, mais c'est... là, on a une nouvelle deuxième division. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que 8 équipes évolueront au sein de la NASL en 2011. Donc, Edmonton FC, l'Impact de Montréal, les Islanders de Porto Rico, le Miami FC, Railhawks de la Caroline, Roadies de Tampa Bay, Silverback d'Atlanta et les Stars du Minnesota. J'en reviens pas de ce nom d'équipe, mais les Stars du Minnesota, ça me fait ça. Je sais. Et ensuite, une équipe de San Antonio se joindra en 2012 à la Ligue pour compenser le départ de l'Impact. Et également, une nouvelle équipe qui pourra se greffer au sein de la NASL en 2013. Donc, maintenant que la Ligue est officialisée, Joey Saputo est très content, en fait, de cette nouvelle Ligue. Ils pourront jouer 28 matchs contre des équipes quand même assez intéressantes. Donc, belle préparation pour la MLS. Parlant justement de MLS, Colorado a été sacré champion. Donc, deux buts assez, disons-le, affreux, ont permis aux Rapids du Colorado oui. de l'emporter 2-1 contre le FC de Dallas, dont le but vainqueur là, en toute fin de match. qui a été un but, ma foi, épouvantablement laid. Le joueur du Dallas qui a fait dévier la rondelle. Oui, la rondelle. Oui, la rondelle. Oui. On n'a pas assez parlé de hockey. Le disque, ballon. Le palais. Oui, c'est ça. Le ballon derrière son gardien. Donc, assez épouvantable comme but, assez épouvantable également comme fin de match. Mais, justement, bon, Colorado qui l'emporte face à Dallas. C'est en direct de Toronto, du BMO ouais. Field. Oui, oui, oui. Donc, et on peut dire que Connor Casey a été nommé le joueur par excellence de la Coupe MLS. Effectivement. Vivement que l'impact soit dedans. Oui, effectivement. Nouvelle aussi également provenant de la Fédération française de football ce matin. C'est le nouvel observateur qui nous annonce que Jacques Lambert, numéro 2 de la FFF, va quitter son poste et il va prendre plutôt des fonctions de responsabilité dans l'organisation de l'Euro 2016. Scandale également du côté de la FIFA. On se rappelle des pots de vin qui auraient pu être nommés, donnés. Non, des pots de vin. Ben oui, comme d'habitude à chaque année. Pour l'obtention de la Coupe 2018 et 2022. Donc, à ce niveau-là, ce que la FIFA a fait, c'est qu'on change un peu le comité exécutif. Il y aura deux places disponibles pour 5 candidats. Donc, deux places libérées pour l'Afrique. Donc, les 5 candidats seront Mohamed Raoua, Jacques Anouma, Danny Jordan, Kalusha Boualia et Sekoutou Patel qui seront les 5 candidats qui tenteront d'obtenir une place dans les deux dans les deux places disponibles au niveau du comité exécutif. Et également, on rappelle en terminant que le slogan de la FIFA, c'est « Pour la beauté du sport ». Donc, c'est beau. Oui, hein, quand même. Il y avait également. On va faire comme si on croyait. Oui, c'est ça. Il y avait également une petite nouvelle, là, une mini rubrique latérale, en fait, là, dans un des sites. Je crois que c'est le site du Nouvel Observateur qui parlait du hockey, qui est le sport de contact par excellence selon nos copains français. On leur rappelle qu'ils ont une fédération française de rugby. Donc, qu'on cesse un peu de varloper le hockey et les quelques batailles qu'on peut y voir. C'est ça. On réglera pas ce débat. Non, c'est ça. C'était mon 2 minutes chialeux. On s'en va une pause au retour. JP Grenier joint à nous pour nous parler de football. Écoutez, avec la fin de semaine qu'on a, c'est sûr qu'on va en parler. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. Mon chien à moi, il était beau, il était fort. C'est fou, ça. Un peu nono, un peu coquin. 89 mois. Mon chien à moi, c'était mon grand ami. Et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Se joint avec nous en studio directement de Sherbrooke, JP Grenier. Ça va bien, JP? Salut les gars, yes, ça va super bien, vous autres? Oui, ben oui. Très bien, cool. On perdra pas de temps, JP, parce qu'on en a tout simplement pas. Mais écoute, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, JP, on parle de football. On va commencer avec l'NCAA rapidement. Il y a des matchs aujourd'hui, il y a des matchs demain là, du côté des Américains. Exact. Premièrement, aujourd'hui, gros match, là, Auburn contre l'Alabama, qui, grosse rivalité à ce niveau-là. Auburn ne peut pas l'échapper, là. Auburn ne peut pas l'échapper, juste sa saison, là, risque, joue en même temps le championnat de la SEC, là. Donc, écoute, c'est important pour eux de gagner. Alabama qui représente un gros défi. Puis, les deux équipes, là, qui jouent pour la Iron Bowl. Donc, ça va être intéressant à ce niveau-là. Sinon, quelques petites nouvelles, là, qui sont plus importantes que les matchs à venir cette semaine, dans la NCAA. Joe Paterno va revenir pour une autre saison l'an prochain, c'est confirmé. Donc, le vieux Joe qui revient encore avec Penn State, donc... Joe va mourir sur le terrain, là. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça, l'âge qu'il a, là. Quel âge, Joe Paterno, là? 73. Ah, je sais! C'est quand même 73, là, pour être ses lignes de côté. Je pensais que ça approchait de 80, honnêtement. Oh. Honnêtement, là... 1926, en effet, ouais. Ben, il est encore en shape pour son âge, quel entraîneur. Écoute, Joe Paterno a les abdominaux de Situation. Donc, pareil, même chose. Même temps. Même affaire. Ah, arrête. Non, écoute, là, le Big 12, pardon, qui ont révélé leur équipe toute étoile, là, puisqu'on sait que c'est la 15e saison de la division. T'as Vince Young qui est déclaré là, la meilleure carrière de toute la division dans toute la conférence depuis leur début, ce qui est assez surprenant avec des gros noms qui ont été là et tout, qui ont gagné l'Iceman comme par exemple, Jason White, Sam Bradford. Donc, écoute, là, une décision surprenante. Puis, en défensive, t'as Ndama Kung Su, le nouveau defensive tackle dans le fond des Lions de Détroit. Donc, équipe intéressante d'étoiles. Peut-être qu'un peu controversée, position de carrière, mais on sait que Vince Young a gagné le championnat national avec Texas. Sinon, Texas, pour finir, qui ont leur première saison perdante depuis 1997. Et il fait longtemps, 97. Alors moi, je vais te parler du match Northwestern contre Illinois. Ouais, vas-y. Oui, c'était disputé au Wrigley Field. Oui. Mais bon, tu sais, le Wrigley Field, la clôture est en briques. Oui. D'un côté. Et de la façon qu'on a placé le terrain, ce qui arrivait, c'est que une des zones de but était trop proche de la clôture au goût des joueurs. C'est-à-dire que tu avais à peu près deux verges puis tu rentrais directement dans le mur de briques, là, un peu comme au Stade olympique dimanche dernier plutôt. Alors écoute, ce qu'on a fait, on a joué seulement d'un côté. Donc quand on avait un ballon, mettons, un changement de terrain, les équipes tournaient. C'était tout à la même la même direction. La même direction pour toutes les équipes. Donc on avait jamais vu, c'était jamais nord-ouest, c'était tout le temps, mettons, nord-sud, c'était tout le temps vers le sud, tout le temps. Et à un moment donné, il y a une interception, le joueur retourne l'interception pour un toucher, et tu sais, tout le monde dans le fond, t'avais des pancartes « wrong way », sans cynique. Donc très drôle, mais en même temps, je veux dire, c'est pas, en tout cas, faites vos affaires, là, mettez ça un peu plus loin, ou je sais pas, là, mais arrangez-vous pour que ça ait de l'allure. Moi, être quelqu'un qui était dans l'autre zone, qui a payé le prix égal à l'autre zone, je serais un petit peu frustré, là, mais... Donc, on y va avec... football de CIS, on a beaucoup de stock cette semaine, ouais, vas-y. La Coupe Vanier qui sera disputée au Pets de Laval. Les Dinos qui sont encore là cette année, là, vont tenter de remporter... une quatrième Coupe Vanier dans leur histoire. Quelques petits faits intéressants rapidement. Laval, il va pour sa sixième. Ce serait un record pour la Ligue. Là. Laval, on le sait, sont excellents année après année. Donc, ce serait un cinquième pour Glenn Constantin, qui a gagné en 2003, en 2004, en 2006 et en 2008. Donc, ça va être tout un affrontement. Là. Les Dinos qui comptent sur Eric Glavich. Encore une fois cette année, qui a malheureusement pour lui pas pu gagner le Heck Craven remis au joueur de l'année dans la Ligue canadienne. Là. Donc, on s'attend à un duel quand même offensif. Je sais pas si tu veux que je te dise quelques joueurs à retenir du côté des deux équipes. Là. Oui, parce que surtout du côté des Dinos, qu'on connaît pas énormément, sauf peut-être la carrière Eric Glavik. Pour le reste, c'est une équipe qu'on connaît pas beaucoup. Donc oui, mène-nous à travers ça, s'il te plaît. Ben, écoute, je veux dire, dans le fond, les joueurs des Dinos, je vais finir par le Rouge et Or. Là. Donc, on a Eric Glavik, c'est un gros carrière, 6 pieds 6, 230 livres, qui vient de l'Ontario, là, un joueur qui vient de loin pour cette équipe-là, qui a déjà joué aussi pour St. Mary's. Un transfert en début de carrière qui l'a aidé à se propulser parmi les meilleurs. Là. Sinon, on a Matt Walker, running back, dans le fond, porteur de ballon très rapide. 5 et 11, 210 livres. Donc, vraiment, là, c'est un gros porteur de ballon pour la Ligue canadienne. C'est plus un gars qui s'en va, dans le fond, nord-sud plus que est-ouest. Là, fait que avec la grosse ligne offensive des Dinos, va certainement aller dans les trous. Puis, va essayer de tenter de percer la défensive du Roger Hall, qui est, ma foi, toujours excellente. Sinon, à la position de demi-coin, dans le fond, t'as Ty Noble, qui est parmi les meilleurs chaque année depuis 3 ans. Là, c'est lui qui a fini 10e dans toute la Ligue canadienne pour les plaquer. Donc, venant d'un demi-coin, c'est quand même exceptionnel, là, vu qu'on sait que d'habitude, t'as toutes les secondaires de ligne qui ramassent les plaqués. Puis sinon, c'est ça, là, t'as dans la position de receveur de passe, le meilleur chez Calgary, d'après moi, c'est Anthony Parker. 6 pieds 2, 215 livres, un gros bonhomme, écoute, des mains sûres, puis Eric Glavich n'aura pas le choix de compter sur lui pour gagner ça, pour remporter dans le fond la Coupe de la Ligue, parce qu'avec la défensive là, de Laval avec Arnaud Gascon comme sur la ligne, dans le fond, il n'y aura pas le choix de se débarrasser du ballon vite. Puis Anthony Parker, c'est leur valeur sûre. Donc, il aura besoin de lui pour gagner. Sinon, avec le Rouge et Or, t'as Bruno Prudhomme qui est en position de carrière. Qui n'est pas Benoît Groulx, disons. Non, exactement. Là, à peu près la même la même stature, là, 5 et 11, 195 livres, peut-être un peu moins de poids, sauf que beaucoup moins de précision aussi. Là. Benoît Groulx, qui était comme le meilleur carrière de la Ligue l'an passé. On arrive Bruno Prudhomme, qui est un partant de première année. Écoute, on l'a vu, c'est pas lui qui a fait gagner les matchs à date en séminatoire pour Laval, sauf que c'est une position tellement importante qu'on n'a pas le choix de sa bonne contribution pour que Laval remporte le match. Sinon, Arnaud Gascon-Nadon, j'en ai parlé un peu tantôt, était nommé hier meilleur joueur défensif de ligne au pays. Écoute, ce gars-là est incroyable. Là, est en train de menacer le record pour le plus long, grand nombre de sacs là, avec 12. Donc, ça va être une bonne chance pour lui de d'avoir le titre. Sinon, écoute, c'est sa quatrième saison. On va être de retour l'an prochain. Donc, gros joueur, 6 pieds 3, 250 livres. A joué avec Rice aux États-Unis. Donc, il connaît, dans le fond, l'ampleur des gros matchs. Là. Sinon, on a Frédéric Plaisius, qui est, ma foi, le meilleur secondaire de ligne au pays. Donc, écoute, Laval a toute une défensive. En plus, avec Christopher Milo qui est là pour, à toutes les fois, faire des convertis, puis... faire des field goals, faire gagner son équipe. Là, on s'entend que la semaine passée, c'est lui qui a battu Western. Là, donc, écoute, ça va tellement être un bon match, là, contrairement peut-être à les autres années. En plus, ça va être à Québec, là, une première pour le Rogéor qui va... Qui a la chance de l'emporter devant ses partisans. Il risque d'avoir du monde là, en fin de semaine au Peps. Là. Il y a des activités toute la semaine là, du côté de Québec pour la Coupe Vanier. Ça risque d'être pas pire. Donc, avec la neige aujourd'hui, ça serait drôle qu'il neige aussi demain. Là. Donc, une prédiction peut-être vite. Ça va être un match très serré. Je pense que les Dinos ont une excellente équipe. C'est sûr qu'on les connaît pas beaucoup. La machine du Rogéor est bonne, mais j'ai pas un si bon feeling. Après Sherbrooke, puis les matchs serrés contre Sherbrooke puis Western, je pense pas que le Rogéor ait une équipe aussi bonne que l'an dernier. Surtout sans Julien Féoli, ça va être plus difficile. Je pense que Calgary va l'emporter. Vaincu en 5 rencontres, le Rogéor, il va pour 6. Puis, écoute, je sais pas si vous avez vu un peu la finale de l'Ouest la semaine passée, mais il faisait tellement froid là, à Calgary. Écoute, les joueurs de Calgary sont prêts au pire. Là, si la température se met de leur côté, écoute, ça va être dangereux pour Laval qui a pas joué devant... Cette année, ça, il n'y a pas si froid que ça à Québec. Là. Moi, quand j'étais contre Sherbrooke, il faisait peut-être 10-12. Donc, écoute, c'est un facteur important. Comme tu disais, avec la neige, le gazon synthétique, ça glisse. On va voir. Si la température est mauvaise, dans le fond, ça va être sur la course que ça va se gagner. Puis je pense que les Dinos sont pas mal mieux équipés que le Rogéor à ce niveau-là. Ben, je me demande aussi au niveau du terrain. Tu parlais du terrain quand il fait froid. Je sais pas, les niveaux terrain synthétique, à quel point c'est glissant par rapport au... Tu sais, dans le temps, le bon vieux AstroTurf, là, comme au Stade Olympique, là, qu'on jouait sur une patinoire, tout simplement, là. Ouais. J'imagine que ça peut juste être un petit peu mieux, mais ça reste quand même difficile. Ta prédiction, puis à Luc, on n'a pas eu le temps de l'entendre, mais le petit gars de Québec, va continuer à prendre pour le Rogéor. Je pense que c'est le Rogéor qui va l'emporter. Je pense que JP a un peu raison, là, par rapport aux nombreux facteurs qui peuvent faire la différence. Mais je vais avec mon cœur, puis je pense que le Rogéor, on va remporter la Coupe Vanier devant nos partisans. On va voir ce match-là, c'est en direct, c'est demain, c'est à midi, je crois. Oui. Midi en direct sur TSN et Radio-Canada. Donc, tout ça, si vous manquez ça, là, ce midi, la semaine verte, de toute façon, c'est dimanche, donc il n'y a pas de problème. Ben oui, puis de toute façon, ça repasse bon. En reprise. Okay. Ouais, mais. La semaine verte, je parle. Ah, la semaine verte. Ah, ouais. Mais j'ai hâte de voir, j'ose espérer une à pleine capacité. JP contre Sherbrooke, t'étais à Laval? Oui. C'était pas plein, tu me disais. Il restait un peu de place. Ben, écoute, ils ont construit des nouvelles estrades dans... Au deuxième étage? Au deuxième étage, ouais. Ça, c'était plus ou moins plein. Même chose pour les hommes de but. On s'entend que c'est sûr que là, le track and field, la Coupe Vanier, j'imagine, ça va être différent. Ouais, mais là, tous les billets étaient vendus. Là, cette semaine, il restait plus aucun billet. Oh, sauf réellement? En admission générale debout. Dans le fond, on estime à une foule de combien? Une foule de peut-être 16-17 000. 18 000, c'est excellent. Ouais, peut-être. On l'espère, en tout cas. Ben, à 100 000 près des finales de la NCAA. Ouais, si tu veux faire ça, par contre, on peut jouer à ce jeu-là longtemps. Hein? On n'en a pas un bout. Je me demande aussi, écoute, j'ai hâte de voir à quel point tu penses, à quel point vous pensez que l'avantage du terrain va venir être du côté de Laval. Ben écoute, c'est sûr qu'en défensive, Calgary va en avoir plein les bras, sauf qu'en même temps, écoute, moi ce que je pense des terrains de football avec une piste de course autour, c'est déjà pas mal moins bruyant que plusieurs autres stades qui la foule est directement sur aux proximités du terrain. Mais là, regarde, t'as 18 000 personnes qui sont là pour le Rouge et Or. Peut-être, on croit, une centaine de personnes pour Calgary qui vont faire le voyage, peut-être, parents et amis. Nous, quand on était allé à Sherbrooke, on a eu une certaine influence, sauf qu'il y avait seulement que 12 000 personnes. Là, rajoute 5-6 000 personnes de plus. Ça va prendre aussi une foule disciplinée. Ça va être la Coupe Vanier. Ce ne sera pas une finale que Laval sont encore sont habitués d'aller à toutes les années, là, que c'est quasiment une formalité. Là, donc, je pense que l'an passé, on leur regrette de ne pas être allé surtout devant Québec. Ouais. Ça, ils ne passeront pas encore cette chance-là. Puis là, je pense que le contrat vient à terme là, pour la présentation de la Coupe Vanier à Québec. Ouais. Oui, c'est la dernière année. C'est la dernière année. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, ça prend quand même une foule disciplinée. On se rappelle, il y a quelques années, là, l'Impact, les Alouettes, justement, qui avaient joué, je crois, c'est la finale de l'Est devant leurs partisans. Puis la foule qui en fait, était très, très, très, très encourageante. L'an passé. C'est l'an passé. Ben justement, là, la semaine passée, écoute, durant les séquences offensives, tu avais une vidéo de la mascotte qui... Nicolas, tu le sais, t'étais là. Ouais, ben écoute, on va juste terminer avec le Rouge et Or. Donc, comme je disais tantôt, les gens, si vous êtes au travail ou peu importe, vous avez accès à l'Internet. Sur le site de Radio-Canada, c'est diffusé en direct. Donc, vous pouvez écouter ça. Donc, Rouge et Or, Dinos, on va... Je pense que même si j'ai dit que j'ai l'impression que les Dinos vont l'emporter... venez jouer les troubles fêtes à Québec. On peut s'attendre à un bon match et j'espère quand même que le Rouge et Or va l'emporter. Juste pour gagner ça devant leurs partisans et faire un gros party à Québec. On va aller écouter quelque chose d'intéressant. Alors, ça prend la remise parfaite, Denis. 44 verges pour la victoire. Damon Duval, le teneur, et Ben Cahoon en plein centre. Il n'y a plus de temps au cadran. C'est raté, il y a des mouchoirs toutefois. C'est raté, mais il y a deux mouchoirs qui ont été lancés. Armstead quitte la zone des buts, mais il y a des mouchoirs sur le terrain. Attendons voir. Est-ce qu'il y a trop de joueurs sur le terrain pour une équipe? Oh oui, Pierre, il y avait trop de joueurs sur le terrain pour une équipe. Je me souviens de me voir jubiler dans mon salon et je criais, il y a un flag. Sautais comme une jeune collégienne devant un épisode d'occupation double. Bon, je sais peut-être pas le qualificatif que je m'aurais donné, mais j'imagine qu'au résultat, ça se ressemble. Exactement, on va parler de la Coupe Grey là, qui est en fin de semaine. C'est en direct de Edmonton. Deux fois de fil en Alberta, la Coupe Grey. Donc vraiment, j'étais au match la semaine passée à Alouette contre Argonauts et j'ai vu une équipe en mission, une équipe qui a démantibulé les Argonauts. Dès les premières minutes. Les trois aspects des Alouettes la semaine dernière ont été fantastiques à leur sommet. Il n'y a rien de négatif à dire si ce n'est que la blessure de Mathieu Brou. C'est triste pour Mathieu, mais c'est pas nécessairement un fait qui va troubler l'équipe. Étienne Boulay puis Mathieu Proulx, tant qu'à moi, sont interchangeables. Donc, un va venir prendre la place de l'autre. Ça sera pas plus compliqué que ça, mais écoute, quel match. Et fouille à pleine capacité. Pleine capacité au Stade Olympique. C'était rempli. Encore une fois, c'est arrivé un peu en retard. Oublie ça parce que c'est tellement long à entrer au Stade Olympique. C'est épouvantable. Ben, ils sont pas habitués, hein. C'est encore, tu sais, Les gens de la gestion aussi des installations olympiques sont assez. J'espère qu'un jour on va faire de quoi juste pour. Il n'y en aura plus de baseball, là, on se parle. Non. Il n'y en aura plus de baseball. Non. Tant qu'à l'accepter qu'il n'y a plus de baseball, pourquoi pas s'arranger pour que la configuration football ait un peu de sens? C'est-à-dire que les estrades ne se terminent pas sur le terrain. Ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a un joueur des Rough Riders, mais un Argonauts qui a rentré dans le coin de l'estrade. C'est extrêmement dangereux. C'est pas compliqué, là. Défait le béton un peu, coupe ça, puis met deux, trois clôtures, broche à poule, que ça tienne, puis c'est tout, là. Mais que ça ait au moins de l'allure. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, gars, de toute façon, les seuls qui l'utilisent, c'est les Alouettes. C'est les Alouettes qui pratiquent là. Et l'Impact, c'est sensiblement le même terrain. Oui, donc il n'y a pas de problème, même s'il y a de quoi, il est plus Non, c'est la même chose, c'est du football canadien, donc il n'y a pas de différence. En fin de semaine, c'est contre les Rough Riders qui, effectivement, vont vouloir reprendre leur revanche, vont vouloir se venger des Alouettes et de tout ce qui est écoute, le 13e homme, qui était le slogan des Rough Riders, de Rider Nation, ça a fait mal l'an dernier. C'est le slogan des Riders, de 13 Men. Hein. Tu sais, il y avait un gars déguisé en mort avec sa pancarte, The 13 Men is your worst nightmare. Oui. En effet. Donc, on va avoir une motivation que je peux pas croire. Et du côté des Rough Riders, faites-moi même pas croire que vous avez pas ça en arrière de la tête et ça vous revient pas. Écoute, le coordonnateur offensif là, en haut de la passerelle, là, lui, il l'entête, ça, c'est sûr et certain. C'est évident qu'il va compter les joueurs. C'est sûr et certain, puis même pas juste ça, mais écoute, c'est... Puis écoute, les Rough Riders, le premier match de la saison, il est arrivé encore la même chose. Oui, contre les Alouettes, là, pour ceux qui n'ont pas vu ça en plus. Là. Fait que, ça a mieux tourné, ils ont écoute, gagné. Écoute, on va voir une coupe de tête de melon... En fin de semaine, En espérant qu'il ne fait pas aussi froid parce que les têtes de melon vont geler assez rapidement. Tu vas avoir de la slush à melon là, très rapidement. Vos prédictions, messieurs, pour ce match-là? Les Alouettes. Est-ce qu'on y va une deuxième fois pour les Alouettes ou les Riders? J'ai l'impression que les Alouettes vont l'emporter, mais dans un match beaucoup moins serré que celle l'a été l'an dernier. Quelque chose qui devrait ressembler, sans nécessairement une domination comme on a eu contre les Argonauts, mais d'après moi, là, les Alouettes facilement par un ou deux touchés, là, au moins deux possessions de ballon. Je suis totalement contre toi, honnêtement. Quand on regarde les duels qu'on a eu cette année entre les Rough Riders et les Alouettes, quand on regarde Darren Durant qui joue du gros football, qui profite des bons receveurs de passes, Andy Fantuz, entre autres, qui a été nommé hier joueur canadien par excellence. Mais ça va jouer au sol, ce match-là. Puis je pense qu'Evan Coburn est vraiment supérieur. Oui, mais les Alouettes ont de la misère à jouer au sol. C'est jamais... Ben, t'as vu, cette semaine, contre les Argos, on a implanté le jeu au sol dès le départ, puis ça a bien fonctionné. Puis, comme dirait Pierre Marcheval, si l'attaque au sol fonctionne, tout fonctionne pour les Alouettes. Donc, toi, JP, comment tu vois ça, ce match-là? Moi, je pense que les Raiders vont l'emporter cette année. Là. Ouh! Écoute, pis, c'est même pas une question de l'emprunter, prendre leur revanche. Je pense qu'ils sont une équipe assez préparée, puis ils ont assez de talent dans cette équipe-là. Pour l'emporter, ce qui va avantager les Alouettes, c'est que la profondeur est tellement incroyable. On l'a vu, garde Mathieu Proust blesse. Étienne Boulay, il est là pour prendre la relève. Puis c'est comme ça, pas mal de positions. Puis on a vu un gars là, rebondir à la finale, Tim Mapry. Ah oui. Va faire une différence, ces unités spéciales. Si ce gars-là peut avoir la place qu'il peut avoir, attention là, aux Alouettes. Là. Et là, ça va prendre une bonne performance de Damon Duval, parce qu'on peut on peut pas s'attendre à lui de quelque chose de similaire à l'an dernier. Ou est-ce qu'une chance qu'il a réussi le dernier botté, parce que sinon c'était pathétique, que ce soit au niveau de ses dégagements. Quel mauvais match au niveau des dégagements, puis même pas de ses bottés de prison, parce qu'il n'y en a quasiment pas eu à faire, là. Mais. Il y a eu l'avant-dernier qui aurait dû être le dernier, là. Exact. Donc, tu sais, ses bottés de dégagement, à toutes les fois, les Alouettes reprenant une place en défensive, en mauvaise posture, ça n'a pas aidé. Écoute, puis pour Calvillo, j'aimerais tellement ça qu'il gagne un autre Coupe Grey. Il mérite un des meilleurs de tous les temps. Cahoun aussi, qui va sûrement son dernier match. Ouais. Peut-être, oui, mais peut-être pas non plus. De la façon qu'il va, écoute, il va bien, donc ça. Hey, petite nouvelle rapidement. Aussi qui est tombée, là, hier, Henry Burris, qui était nommé MVP, je la comprends pas. Ben oui. Il a joué beaucoup plus de matchs que Calvillo, des chiffres qui sont excellents. Ouais, plus d'interceptions pour à peu près deux touchés de plus. Oui. En justement trois matchs de plus. Ouais, Calvillo, le fait qu'il a manqué de matchs, c'est ce qui est venu lui nuire. Mais on va terminer ça là. C'est samedi. On manque de temps. Écoute, oui, c'est ça que je veux dire. C'est dimanche, 6h, sur les ondes de TSN et de RDS, comme l'an dernier. Sortez vos chips, mettez-vous en gang. Il y a de quoi de plus fun que du football en gang. C'est assez difficile à battre parce qu'on peut se parler contrairement au hockey parce qu'on dit rien pendant une période complète. Hey, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci JP. Bon match les gars. Bon match, bonne semaine de foot tout le monde. Ouais. Donc on se laisse en musique. On va aller écouter Panache avec la chanson Bouvier-Bernois pour Philippe Doucet, Pierre-Luc Giroux, Jonathan Bernier et JP Renier. Je suis Nicolas Duchamp. Bonne semaine tout le monde.